arrivé gore. Le son fait que gicler à rapport. Il se demande d'où il sort, appréciatif et pas genre. Encore un record, trop fort dans les scores. Leader et teneur, je reviens mettre tout le monde d'accord. Du sud ou du nord, petit faible ou grand fort. Peu importe si tu supportes mon son, bienvenue à bord. Mec de Vauban et que j'ai rechromatisor. Toujours indépendant en attendant la major. Dans les têtes c'est le Delbord, mais t'inquiète, on s'en sort. On se plaint pas tant qu'Allah nous donnera de la ce fort. Pas besoin de renfort, je gère les efforts. Je démarre et bombarde en passant les rapports. Ma voix est à sort avec le hardcore. Trop imposant si t'es pas content, et alors c'est pas ton garde du corps qui peut te protéger de la mort. Il peut se mettre devant toi mais la balle transperce le corps. Prostue sans remords, esquive la peine de mort. Font des thunes à mort, en se coinfrant comme des porcs. Après ce couplet, tu sais qu'il y a la rime en or. Encore ce petit relou, en provenance des Comores. Trop raison, jamais tort, ni que la maison traîne dehors. La rue me sponsor, pour elle l'instru je dévore. Prends du poids, m'améliore, les MC je les ignore. Sans remords, sans ressort, je les propulse dans le décor. Représenter mon point fort, tout niquer ce que j'adore. Le rap comme aéroport, que je franchisse en passeport. Première classe, trop la classe, mes valises sont tes bords. Prends trop de place et t'écrase, te jette par-dessus bord. Samedi soir, satisfait. En Armani Ampior, lunettes d'or tout d'abord, paré sur le dance floor. J't'informe comme Darvor, j'ai planqué le coffre fort. T'as beau chercher le trésor, c'est moi qui ai la rime en or.